Maman, pour me dire qu'elle a bien reçu les photos de Zoé. Génial. Depuis qu'on leur a offert un smartphone Doro, mes parents sont hyper connectés. Avec son interface simple et intuitive, Doro, c'est la bonne idée cadeau pour garder le contact en famille. Retrouvez toute la gamme des smartphones Doro sur doro.fr. Salut, moi c'est Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 euros seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Demain, comme d'habitude, un rendez-vous exceptionnel. Ce sera avec Vanessa Paradis, en direct dans ce studio. Merci beaucoup à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet. Bah, Julien Courbet, là, qui est parti pour une longue liste qui va nous emmener. Bon, mais j'ai promis de le faire. Je vais remercier ceux qui nous écoutent chaque matin. Edouard Fachon de Dijon, merci. Ernest Bergot de Lyon, merci. Merci. Morissette Chapineau. D'Aubagne, merci. Bon, voilà. Eh ben, merci en tout cas à tous ceux qui nous écoutent et qui font Cartel et la radio numéro 1. Tout va bien, monsieur Calvi? Pas mal du tout avec des chiffres pareils. Ah ben, écoutez, c'est fantastique. Hein, profitons. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais continuer et faire encore mieux. Et on dit merci, surtout à la raison, la dame. Allez, nous allons nous continuer à faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire vous aider. Bonne journée, la rédaction. Oui, c'est pas mal. Allez, on y va. C'est parti avec pas mal de choses ce matin. Alors, j'ai sur l'étalage du Michael. Michael, les photos sont extraordinaires. Elles sont sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Je vous appelle du Bas-Rhin. Je vis dans un logement social envahi par les souris. Donc, le bailleur a posé du silicone, mais elles l'ont mangé. Mon sol est, quant à lui, est jonché de crottes de souris. Les souris se baladent dans mon appartement en plein jour. Et quant à la nuit, elles mangent les croquettes du chien. Et encore, il vous dit pas tout. Les souris mangent du silicone. Du coup, maintenant, elles veulent participer à une émission de télé-réalité. Ensuite, il y a Marie-Pierre qui nous dit ceci. Je vous appelle de la Manche. Un site internet spécialisé me doit 690 euros depuis des mois. J'ai comme l'impression qu'il me fait tourner en bourrique. À défaut de remboursement, j'ai plein de fausses promesses en stock. Et puis, nous allons revenir sur les énormes cas que nous avons traités durant ces dernières 48 heures, et notamment ce cas qui a touché beaucoup de monde, hein, celui de cette jeune fille qui a 20 ans et qui démarre dans la vie complètement plombée parce que quelqu'un lui a piqué ses papiers, a été ouvrir des comptes, on l'a laissé ouvrir des comptes, et aujourd'hui on lui réclame 15 600 euros à la jeune fille. Je vous appelle des Yvelines. Ma fille s'est fait dérober son portefeuille dans le métro. Depuis, malgré ses déclarations de vol et son dépôt de plainte pour usurpation d'identité, elle vit un cauchemar. Trois comptes frauduleux ont été ouverts à son nom et les fichés à la Banque de France. Hervé Pouchol a eu les sièges des banques, nous en saurons plus. Enfin, c'est un petit peu plus long ce matin le sommaire, mais on reviendra aussi sur cet énorme cas. Vous achetez une maison parce que vous êtes passé devant une agence où vous avez vu une annonce, maison en très bon état. Et vous vous apercevez que la toiture et la charpente sont pourries et que tout est à refaire. Donc vous dites à l'agence, attendez, pourquoi vous mettez en très bon état? Et nous avons un vrai dialogue avec l'enseigne. Il y aura aujourd'hui du nouveau. Nous y reviendrons dans quelques instants. Autour de moi, la Dream Team et notamment la grande avocate pénaliste au barreau de Paris, j'ai nommé Maître Noakovic. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Fellonneau. Bonjour à tous. Il y a Hervé Pouchol. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard, JB, Charlotte, Céline, c'est Xavier Kassovitch qui réalise. C'est le 9h30-11h, l'émission la plus écoutée de France, grâce à vous. Merci. À chaque instant, vous êtes 1 418 000 auditeurs. C'est presque le double que notre premier concurrent. Merci beaucoup. Et c'est surtout un record historique en part d'audience, la fameuse part de marché, puisque nous sommes, alors ce chiffre vous dira rien, mais c'est un record historique après 20 ans d'émission, à 14,2% de part de marché. Bougez pas. Je regonfle un peu mes mollets et nous pouvons donc attaquer maintenant. Michael, bonjour. Bonjour. Michael est donc de retour et le voici qui nous parle de ce logement social incroyable où il y a, sur Facebook, je dois le dire, des photos de cadavres. Des photos de cadavres de souris. Racontez-nous votre enfer. Voilà, ben, donc il y a 4 ans, j'ai reçu cet appartement. Je m'installe. La première année, j'ai déjà vu des souris. Donc, au début, j'appelle le bailleur. Je pensais pas que ça allait durer. Et au final, ils interviennent, quoi. Ils me bougent les trous avec du silicone, etc., etc. Le problème, c'est qu'elles le mangent, donc elles ressortent. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi et ça dure toujours. Donc j'ai des petites anecdotes, hein. Je prends un bain, ben je les vois passer, je me lave les mains dans la salle de bain, je les vois dans le miroir. Là je suis allongé sur mon canapé, il y a le chien qui bondit parce qu'elle a vu une souris, donc après on voit la souris qui court dans tout le salon. Sans compter les photos des cadavres que je vous ai envoyées. Donc ça, c'est quand le chien arrive à les attraper. Donc là, elle les tue. J'ai déjà passé des nuits aussi d'enfer, parce que quand il y en a une dans la chambre, donc elle se cache sous les meubles, donc le chien ne dort pas. Elle essaye de la choper absolument. Donc il y a des nuits où j'ai pas dormi. Le soir, quand je suis allongé, ben je les entends, vu que là, elles sortent. Donc là, je les entends qui se promènent dans tout l'appartement, qui piquent des croquettes au chien. Voilà. Est-ce j'ai que essayé pas mal. Vous vivez en couple? Non, je vis seul. Vous vivez seul. Bon, Michael, c'est un véritable enfer. Enfin, je ne vois pas ce qu'on peut rajouter à ce que vous venez de dire. La seule question que je vais vous poser avant de donner la parole à Maître Novakovic, quand vous leur expliquez tout ça, ils sont venus faire mettre du silicone et puis vous leur avez dit que ça n'a servi strictement à rien. Aujourd'hui, quelle est la dernière proposition qu'ils vous font? En date, c'est-à-dire qu'ils sont venus au mois d'août pour constater qu'il y avait des souris, parce qu'au bout de 4 ans, ils n'étaient pas assez au courant. Et ils m'ont envoyé quelqu'un après en octobre pour mettre de la mousse en polyuréthane, donc qui gonfle derrière un meuble de cuisine. Un nouveau, parce que c'est le troisième que j'achète. Michael, mais aujourd'hui, là, maintenant, ils vous disent on vient plus, c'est fini, ou à chaque fois ils viennent, ils font une petite réparation? Ah non, à chaque fois ils viennent et puis ils font une petite réparation. D'accord, ok. Donc on est bien d'accord, là, Maître Novakovic, qu'à un moment donné, la patience de l'auditeur, car il faut toujours laisser le bailleur essayer de régler le problème, et visiblement, là, il n'y arrive plus. Donc depuis 3 ans, est-ce qu'il peut exiger un relogement? Bien sûr, Julien, nous sommes dans le cadre d'un logement indécent, d'un logement insalubre. Là, on parle vraiment d'insalubrité. Je ne comprends pas d'ailleurs ce que fait la mairie, entre parenthèses, à ce niveau-là. Le bailleur, il essaie de réparer les choses, mais c'est scandaleux. La seule chose à dire, c'est on vous déménage, on vous trouve un nouveau logement et on règle le problème. C'est scandaleux et je trouve notre auditeur extrêmement patient. Et attendez, samedi, vous allez voir, parce que les souris jaunes avec leurs gilets vont aussi manifester, parce qu'elles ne sont pas contentes non plus. Vous allez les avoir toutes dans le salon. Eh bien, nous allons appeler le bailleur dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Donc, objectif, on est bien d'accord, ou un relogement, ou alors il trouve la solution, mais la solution, je pense que ces souris viennent des parties communes, donc ça demanderait d'évacuer tout le monde. C'est ça le problème, le vrai problème, Michael. Quelle serait la vraie solution? Aucune idée. Je pense que ce serait de casser le mur, sinon, qu'il y a entre ma cuisine et ma salle de bain. Oui. Parce qu'elles sont logées dedans. Le problème, c'est qu'il y en a aussi dans le grenier. Oui, il y en a partout, les greniers sont communicants. Voilà. Bon. Donc, eux, ils m'ont dit, même si eux traitent le grenier, si autour, ils ne le font pas, ça ne sert à rien. Ça, c'est un vrai problème. À chaque fois qu'on appelle pour ce genre de choses, alors c'est soit les cafards, soit ça, ils nous disent, oui, mais le problème, c'est qu'il faudra tout casser. Donc, on préfère faire de la petite réparation et revenir régulièrement, soit pour faire une opération de fumée, là, ce qu'ils font, là, de l'enfumage ou bien des silicones. Dans une seconde, nous allons nous en occuper, Michael, que l'on me prépare l'appel aux responsables des souris de l'habitation que nous allons appeler. Puis, il y aura le deuxième cas. Marie-Pierre a commandé des équipements pour sa voiture sur un site spécialisé. Elle a voulu faire jouer son droit de rétractation, mais depuis août, elle n'a toujours pas été remboursée. Ne mettez pas cette musique, je vous l'ai déjà dit, regardez-la. Ça y est, la Maître Fellono nous sort son peignoir en soie et nous fait dynastie avec son brochet. Oh, c'est incroyable. Ah oui, dans quelques instants, ça sera moins drôle avec les souris. À l'occasion de la 11e édition de la Route du Rhum, retrouvez tous les soirs Nicolas Troussel, skipper Corum, pour une analyse et un décryptage de la course. Corum, il est temps de changer l'épargne. Écoutez, vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisir au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver, à partir de 356 € TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, t'es chez Lidl? Ah oui, et demain et après-demain, ils font la barquette d'un kilo de poire à 1,49 € et la deuxième est à moins 50%. 1,49 € la barquette d'un kilo et la deuxième à moitié prix. Tu te payes ma poire? Ah non, c'est le vrai prix, ça fait 1,12 € la barquette si on en prend deux. Ça fait pas pour nous ça. Ah bah comment? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,49 € la barquette d'un kilo vendu seul, catégorie 1, calibre 50-60, variété conférence, origine Belgique. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Pendant ce temps chez Renault... Ah, t'as... top ! Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec... C'est un logement social hein, dans lequel habite Mickaël, on est d'accord Charlotte ? Oui tout à fait, c'est un logement social et depuis 3 ans, il vit l'enfer puisque les souris ont pris possession des lieux au point qu'elles mangent les croquettes de son chien. Vous pouvez voir des photos sur notre page Facebook. Et Maître Novakovic nous expliquait qu'au bout d'un moment, on est en droit de demander un relogement. Mais si on nous dit, Maître Novakovic, ce que l'on pourrait comprendre, nous n'avons pas de relogement parce que nous avons 10 000 dossiers et nous n'avons que 1000 appartements, dans ces cas-là, au moins, est-ce qu'on vous l'a proposé, Mickaël, qu'on ne vous fasse pas payer le loyer ou alors la moitié, Mickaël ? Est-ce qu'ils vous ont proposé une ristourne ? Non, rien du tout. C'est non, ça qui est dingue, parce que ce n'est pas la jouissance paisible. Mais bien là. Sûr, le bailleur doit à son locataire une jouissance paisible des lieux loués. En contrepartie, vous réglez un loyer et un prix. Donc c'est le cas de Mickaël. Sauf qu'il n'y a plus de jouissance paisible. Et là, on est bien au-delà, bien entendu, puisqu'on est dans l'insalubrité. Et je dirais même le danger, parce que ça peut être un danger également pour votre chien. Enfin bref, toujours est-il que vous vous retrouvez aujourd'hui à payer un loyer. Ça n'est pas normal. Donc il faut absolument également intervenir à ce titre au niveau du bailleur social. Est-ce que vous vous rappelez, chers auditeurs, de ce monsieur qui avait exactement le même problème que Mickaël, mais c'était des blattes. On ne faisait rien pour lui. Il avait récupéré des blattes dans un bocal. Oui, et il était allé dans le bureau, là-bas. Il avait réussi à rentrer chez le bailleur. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Eh bien, vous allez comprendre ce que je vis au quotidien. Il a ouvert le bocal. Là, tout le monde a fait non, non, non. Il distribuait les blattes comme ça aux quatre coins. Eh bien, maintenant, vous allez devoir vous occuper de votre cas. Et nous allons maintenant appeler le bailleur. C'est parti, Céline. Vous composez le numéro. Nous sommes du côté de Strasbourg. Bonjour et bienvenue chez Habitation Moderne. Nous allons donner suite à votre appel. Nous vous invitons à patienter quelques instants. Dans le cadre du suivi permanent de notre qualité, votre appel est susceptible d'être enregistré. Je pense que c'est un petit groupe de rock formé par quelques employés, parce que plutôt que payer des droits d'auteur à une grande musique, vous savez, souvent c'est le grand bleu qu'on attend, il faut payer des droits d'auteur, ils ont demandé à 3-4 employés, dis donc Dédé, tu joues un peu de guitare ? Non Maurice, ton cousin il est toujours batteur, vous allez me composer un petit truc, et là c'est ce qu'ils ont fait. www.habitationmoderne.org On sent que la batterie il la joue comme dans les balles. Dans les balles, ils ont toujours remarqué le batteur, il a toujours les bras un petit peu croisés et collés, comme ça, le long du corps. Allô ? Ah ça y est. Habitation moderne. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Serait-il possible d'avoir un responsable pour un dossier d'un monsieur qui vit dans un de vos appartements et qui depuis maintenant 3 ans vit avec des souris? On a vu des photos, c'est juste une horreur et on n'arrive pas à faire partir ces souris. Avec qui peut-on parler s'il vous plaît? Juste un instant, ne quittez pas. Je vous en prie. Alors, ben vous récupérez Hervé. Oh, attends, on va réécouter un petit peu. Nous allons donner suite à votre appel. Veuillez ne pas quitter. Mickaël, est-ce que vous aviez un interlocuteur, vous, privilégié ? Non. Non, vous n'avez pas un nom particulier. Non. Bon, on va laisser cette dernière appelé, la récupérer. Oui, okay. Ça marche. Allez, on retrouve ça dans une seconde. Le cas numéro 2. Marie-Pierre a passé une commande sur Internet. Elle l'a reçue, puis l'a renvoyée en usant de son droit de rétractation. Mais cela fait 3 mois qu'elle attend le remboursement. Eh bien, écoutez, le temps que les souris envahissent l'appartement de Mickaël et que nous fassions ce cas numéro 2, je vous propose de danser des slow où vous soyez. Arrêtez-vous sur le bord de la route, invitez celle qui est derrière vous et dansez là-dessus. All right with me. C'est Ten Sharp et You. As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always love.

Alors, au mois de août, nous avons commandé sur un site spécialisé de vente de pièces automobiles un embrayage pour mon véhicule. Et suite à des petits problèmes de santé, j'ai pas pu faire les réparations. Donc, on l'a renvoyé. Et depuis, on attend toujours le remboursement. Alors, vous l'avez renvoyé emballé, vous ne l'avez pas déballé? Le retour a été validé et quand on les appelle, ils nous disent que le remboursement va être effectué tous les sous 72 heures et on est toujours dans l'attente. Donc on est bien d'accord, Maître Felonneau, qu'il n'y a aucun problème de renvoi d'adresse. Ils sont d'accord, ils lui écrivent. Vous avez le droit de renvoyer les pièces, c'est marqué dans le contrat. Vous les avez renvoyées, nous allons vous rembourser. Mais c'est maintenant le chèque qui traîne. C'est le chèque qui traîne et figurez-vous que depuis le 1er juillet, Julien, les pénalités contre les vendeurs ont été aggravé. Étant donné que maintenant, un vendeur qui ne rembourse pas dans les 14 jours commence dès le 24e jour à payer 3,60% d'intérêt et ça peut aller jusqu'à 100% du remboursement si effectivement, au-delà de 3 mois, il continue et il y a des 5% qui courent. Donc, ne vous faites pas de la trésorerie comme ça, les vendeurs, parce que franchement, je ne sais pas comment vous faites vos placements, mais à 0,1% de rendement, là, vous perdez de l'argent tous les jours. Quand vous dites les vendeurs, on ne parle pas particulièrement de cette marque très connu, il peut y avoir un oubli, ça peut passer entre les mailles du filet, il n'y a aucun souci. En plus, je pense qu'on va résoudre ça dans un temps record, car c'est une des plus grandes marques de vente de pièces détachées. C'est un mastodonte, je les vois mal essayer de garder 690 euros. Je pense qu'il y a eu un petit souci, mais il nous faut appeler. Donc Céline, je vous demande maintenant de bien vouloir composo le numérer et essayons d'avoir ces gens-là. Bienvenue. Dont le siège est à Paris, pas très loin, Hervé Pouchol, Champs-Élysées. S'il le faut, vous irez sur place. Avec plaisir. Et puis vous referez votre garde-robe. Oui. Dans le cadre de l'amélioration aussi. De la bien qualité sûr, de notre vrai. Service client, cet appel est susceptible d'être enregistré. Coiffeur. Vous pouvez vous opposer. Un débroussailleur fera la peine. En appuyant dès maintenant sur la touche 9. Vous avez appuyé sur une touche Non, c'était pour écouter des choses que j'avais pas envie d'écouter. Oh, bah vous avez bien raison. Pour passer commande ou obtenir un conseil. Il y a des choses que vous n'avez pas envie d'écouter, je peux vous en faire gratuitement. Pour obtenir des informations sur votre commande en attente de livraison, tapez 2. Pour connaître la procédure pour retourner vos pièces, ce qu'on va faire, c'est que vous récupérez, nos auditeurs connaissent bien le principe de l'émission. Dès que quelqu'un répond, on bascule immédiatement à l'antenne grâce à la petite alerte. Vous voulez dire quelque chose, Maître Felonneau? Quelque chose me dit, de la façon dont vous avez levé le bras, que ça va être intéressant. Oui, parce que ce sont des paiements qui sont faits en plusieurs fois, Julien. Et là où je râle, effectivement, c'est que si l'annulation avait été prise en temps et en heure et que le dossier avait été traité comme il faut, il n'y aurait pas eu de paiement. Parce que les paiements fractionnés n'auraient pas été prélevés. Or, le dernier paiement a eu lieu effectivement en novembre, là il y en a assez de payer pour rien. Donc c'est exaspérant pour le consommateur qui fait tout ce qu'il faut et qui finalement se retrouve encore une fois à la merci du vendeur. Alors parfois tout le monde répond, parfois c'est un petit peu plus long, tout le monde le sait quand on écoute le 9h30-11h. Nous faisons un rapido point info sur les deux appels que nous attendons et je lance ensuite l'arnaque en temps réel. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. À 9h30 en direct, nous avons lancé le cas de Mickaël. Mickaël ne s'en sent plus chez lui. Dans son appartement, les souris envahissent les lieux. Elles se promènent chez lui en plein jour. Elles mangent le silicone et même les croquettes du chien. Et surtout, on ne peut pas faire de gros travaux. Ils ne veulent pas faire de gros travaux parce que ce sont des gros travaux. Alors ils viennent, un peu de silicone par-ci, un peu de silicone par-là. Elles mangent le silicone et elles reviennent. Donc ils les appellent. Un coup de silicone par-ci, un coup de silicone par-là. Et elles remangent le silicone et ça fait 3 ans. Et il en a ras-le-bol vivre au milieu des souris. Enfin, je pense que vous imaginez aisément de quoi il s'agit. Il veut un relogement. Où en est-on, Hervé? Le dossier est connu chez Habitation Moderne. C'est Catherine. C'est Virginie Jacob, la directrice générale de Habitation Moderne, qui prend en charge personnellement ce dossier. Nous attendons son appel. À l'instant, nous avons fait le cas de Marie-Pierre et Gildas. Elle a commandé du matériel pour son véhicule sur Internet, mais a changé d'avis et a renvoyé le colis. Depuis le mois d'août, elle n'a toujours pas été remboursée des 690 euros dépensés. Où en sommes-nous chez Oscaro.com, s'il vous plaît, Céline? Je suis en attente. On m'a annoncé un temps d'attente inférieur à 15 minutes. Bon, quand même, 15 minutes. Ah oui. Oui, vous voulez dire, Charlotte? Une petite info de dernière minute où on voit sur Internet un article qui est paru hier qui annonce que Oscaro.com a été racheté par Autodis. Oscaro, on avait pu lire aussi qu'ils étaient en difficulté depuis quelques temps et il y avait eu des rumeurs de faillite. Alors, ceci étant dit, moi qui disais que c'était un mastodonte, etc., je ne savais pas. Alors, ceci étant dit, c'est vrai qu'un rachat peut bloquer toute la comptabilité, toutes les transactions. Alors, essayez de trouver excellent. Vous voyez, je ne savais pas. Je pensais que vous lisiez uniquement Pif Gadget ou le journal de Maya l'Abeille. Mais pas du tout. Elle lit aussi la presse économique. Donc, Donc, vous allez, s'il vous plaît, me retrouver le numéro de ce nouvel acheteur à qui nous allons donner un petit coup de fil de courtoisie et nous présenter pour les émissions futures. C'est tout à fait normal. Vous savez, les voisins, on se présente. Bonjour, je suis votre nouveau voisin. Bonjour, je suis... Eh bien, moi, je le fais quand des sociétés rachètent. Bonjour, c'est moi l'emmerdeur. Vous savez quoi, ben, je suis venu me présenter. Voici mes avocates. Bonjour, on voulait se présenter. Bien, nous allons faire dans quelques instants l'arnaque en temps réel. Bon, là, pas tout de suite. Et puis, il y aura un troisième cas. Nous revenons sur les gros cas. Alors, on va commencer peut-être par ce gros cas de banque, Charlotte. Mawaheb est passé hier sa Pardon fille... Pardon ? Je pensais que vous étiez en train de m'insulter. Je me suis dit, oh, elle va se calmer, allez-y. J'ai fait un effort pour bien le prononcer. Elle est passée hier, sa fille s'est fait voler son portefeuille. Et depuis, elle subit de graves problèmes. Les voleurs ont ouvert 3 comptes à son nom et dépensé 15 600 euros. C'est une histoire de dingue à suivre sur RTL. Le 9h30, 11h est la première émission de France. Merci. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Incroyable ! Les jouets garantis les moins chers de France sont chez Carrefour. Et en plus, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat sur tous les jouets. Résultat des courses, les meilleures économies, c'est chez Carrefour. Hein, Père Noël ? Jusqu'à samedi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat sur tous les jouets. Carrefour. On vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, limité à 150 euros d'achat hors console, jeux vidéo, accessoires, cycles et trottinettes. Voir produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pendant ce temps chez Renault, j'adore ! Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99 euros par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 euros plus 36 loyers de 99 euros. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 euros hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Leclerc. Chérie, en ce moment chez Leclerc, tu as 70% de tickets Leclerc sur le lot de 3 dentifrices Signal Intégral. 70%, c'est énorme. Ben oui, 70% de tickets Leclerc. Moi, je prends. Du 13 au 24 novembre chez Leclerc, le lot de 3 dentifrices Signal Intégral de 75 ml chacun, variété au choix, est à 3,90€, soit 17,33€ le litre. Avec en plus 70% de tickets Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Ça fait 2,73€ sur ta carte Leclerc. T'as calculé ça, toi ? Oui, oui, et ça fait bien 70%. Et si on pensait au Roquefort ? On vous a déjà fait le coup de l'endive à l'apéro ou en salade ? Une belle feuille d'endive, quelques dés de Roquefort déposés au milieu avec des pignons de pin et une pointe de balsamique. Et là, tu croques, tu dégustes. C'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, bougez plus. EDF Entreprises s'engage pour les professionnels en leur proposant des solutions adaptées. Hubert Vienne, boulanger près de Lille, a souscrit au service assistance dépannage d'EDF Entreprises. Son témoignage dans un instant. Business Affaires. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non ? Ah, je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sortie de toit Pujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage ? Trouvez votre installateur Pujula sur pujula.fr. Intermarché vous propose d'écouter des couteaux Vivo à 1 euro. Chérie, tu me passes le sel, s'il te plaît ? Oui, chef ! Tu peux éviter de crier comme ça ? Oui, chef ! Ah non, mais ça va être pénible. Chef ! Cuisiner comme un grand chef ? En ce moment, les couteaux de cuisine Vivo sont à 1 euro seulement, en collectionnant les vignettes chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 décembre, offre réservée aux porteurs de cartes de fidélité. Modalité complète sur collectionvivo.intermarché.com. Merci d'être avec nous sur RTL. Nous avons lancé 2 cas, nous attendons les retombées, puis nous revenons sur les énormes cas qui se sont déroulés hier. Il est 10h. Et c'est Bénédicte Tassard qui nous rejoint pour l'information. Bonjour Bénédicte. Bonjour et bonjour à tous. Et tout de suite, direction Marcoussis du rugby avec samedi le 15 de France qui affronte l'Argentine à Lille pour son deuxième test de la journée, la tournée de novembre. Premier match perdu contre l'Afrique du Sud à la dernière seconde. Jean-Michel Rascol, vous nous donnez la composition de cette équipe de France. Eh bien, il y aura 2 changements, Bénédicte. Le premier est souhaité. Gaël Ficou retrouve son poste de prédilection au centre de l'attaque. Ficou a déjà inscrit 6 essais. succès cette saison avec le Stade français. Le deuxième changement est contraint et forcé. L'ailier Damien Penaud s'est blessé à la cheville face à l'Afrique du Sud. Pour le remplacer, Jacques Brunel a choisi de relancer le Toulousain Johan Huget. Dans cette équipe de France qui manque cruellement de leaders, ses 51 sélections seront peut-être bénéfiques. La défaite sur le fil face aux Springboks a marqué les esprits. Jacques Brunel a dit ce matin qu'il espérait que son équipe allait bien sûr basculer très vite dans le positif, mais il a dit ne pas être intéressé par une aide extérieure pour insister par exemple sur la préparation mentale. France-Argentine est un rendez-vous crucial car cette affiche sera aussi celle du premier match pour la France lors de la prochaine Coupe du Monde. Et donc rendez-vous samedi pour ce match, Jean-Michel Rascol. Forte baisse du nombre de morts sur les routes le mois dernier selon les derniers chiffres de la sécurité routière, moins 13,8%, 275 personnes ont trouvé la mort sur la route, elles étaient 319 en octobre 2017. La loi anti-fessée sera présentée aux députés le 29 novembre prochain, une proposition de loi contre les violences éducatives proposée par une députée MoDem, Maud Petit, avec deux phrases d'importance. Les enfants ont droit à une éducation sans violence, les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent utiliser de moyens d'humiliation tels que la violence physique et verbale, les punitions ou châtiments corporels, la souffrance morale. S'il y a vote, la France deviendrait le 55e pays adoptant ce type de loi. Les courses ont lieu à Fontainebleau cet après-midi et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, le 2, le 17, le 14, le 12, l'As, le 5 et le 4. La dernière minute, c'est le 14, Red Dumas. Le temps pour cet après-midi, ça va se dégager sur la moitié est et dans le sud-ouest, mais la grisaille va rester tenace au nord de la Seine. Sur le golfe du Lion, le temps va rester maussade avec de faibles pluies, un voile de nuages assez épais aussi sur la Provence. Les températures cet après-midi de 8 à 12 degrés sur l'Alsace et la Lorraine, 12 à 20 degrés sur le reste de la France, du nord au sud. 10h03, bonne journée à tous sur RTL, bonne journée d'abord avec Julien Courbet. Merci Bénédicte, à tout à l'heure 11h pour d'autres infos. Alors nous avons fait le point info il y a quelques instants, nous n'allons pas le refaire, vous dire simplement qu'il y a deux cas qui ont été lancés. Michael qui vit dans un logement social, il a des souris partout, il en a ras-le-bol, on vient, on lui met du silicone, mais les souris mangent le silicone, c'est comme si le silicone dopait les souris, elles sont de plus en plus nombreuses, le chien les mange, il y a des cadavres de souris, c'est l'horreur absolue. Photo sur Facebook, la page ça peut vous arriver, en attente d'une réponse du bailleur. Cas numéro 2, Marie-Pierre. Elle a acheté sur un site internet, elle a renvoyé les pièces, on aurait dû lui rembourser. On lui a écrit d'ailleurs, on va vous rembourser. Et on ne la rembourse pas, on était à 13 minutes d'attente chez Oscaro. Combien est-on maintenant, Céline ? Alors, j'ai eu quelqu'un entre-temps, une opératrice, qui m'a dit qu'elle allait me passer un responsable. Je suis de nouveau en attente. Bon, c'est parfait. Nous allons, dans une seconde, réattaquer ce cas de banque qui est quand même un cas d'école. Et il faut qu'on y passe beaucoup de temps. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, Maître Fellonneau va vous résumer maintenant l'injustice dans laquelle se trouve ou que vit maintenant Mawaeb, qui est une jeune étudiante de 20 ans. Et vous allez voir les conséquences si vous avez le malheur de vous faire piquer votre carte d'identité. Alors effectivement, c'est Maya, la fille de 20 ans, et c'est sa mère qui nous a appelé. Elle s'est fait voler sa carte d'identité, ça peut arriver à tout le monde. Sauf que la personne qui lui a volé en a profité pour ouvrir 3 comptes bancaires, dont le premier ouvert dans le même groupe que la banque où elle est d'habitude, le CIC, qui la prévient et qui pour autant ne clôture pas le compte et ne fait pas de démarche particulière, si bien que le découvert a augmenté. Il y a eu 2 autres banques, Julien, concernées, et les banques ne font rien, si ce n'est la considérée comme un escroc, alors qu'elle a prouvé qu'effectivement, elle avait fait l'objet d'une usurpation d'identité, au point que la Banque de France a demandé aux établissements bancaires de porter une mention pour qu'elle puisse bien être reconnue comme tout à fait innocente, de façon, Julien, à prendre un emprunt. Parce qu'elle a 20 ans, vous avez vu le niveau d'études qu'elle a, Maya, elle va partir à l'étranger, donc elle va forcément faire un prêt étudiant, elle aura peut-être besoin d'une voiture elle pour bosser. Elle travaille super bien, elle fait une grande école. Elle est coincée pendant 5 ans, et ça, c'est absolument anormal. Et il y a aussi une caméra de surveillance qui montre bien, Maître Novakovic, en plus, que quelqu'un rentre dans ces banques, puisqu'ils ont des caméras pour ouvrir des comptes, donc il est très facile de prouver que ce n'est pas elle qui l'a ouvert. Oui, alors c'est toute la difficulté de ce genre d'affaires, Julien, sur le plan pénal. On sait très bien qu'à partir du moment où on ne connaît pas l'auteur, eh bien, ça bloque. Le dossier est bloqué autant de temps qu'on ne trouvera pas l'auteur, et c'est terrible pour ces victimes. Donnons la parole maintenant, si vous le voulez bien, au président de l'association française des usagers des banques, c'est une sommité dans le monde de la banque, c'est lui qui règle tous vos problèmes, c'est Serge Maître, voilà ce qu'il nous dit sur ce dossier. Ces établissements viennent à bafouer le droit le plus élémentaire. Il faut en effet rappeler, que le principe fondamental inscrit dans le Code monétaire et financier, c'est qu'on ne peut pas être tenu d'une obligation si on n'y a pas souscrit. Il appartient donc aux banques concernées d'annuler premièrement les comptes ouverts sous l'identité de Maya, avec toutes ses références, mais surtout d'annuler les découverts. Ces découverts n'ont pas été véritablement consentis dans le respect du contrôle de la solvabilité du client. C'est une étudiante, rendez compte. Alors, dans quelques instants, nous allons revenir un petit peu là-dessus et voir ce que nous disent les banques maintenant. Et puis, nous attaquerons un deuxième cas qui est énorme. C'est ce cas de toiture, Charlotte. Géraldine, c'est le cas de Géraldine qui est passée plusieurs fois à l'antenne. Une agence immobilière lui vend une maison en très bon état. Mais quelques semaines plus tard, elle s'aperçoit que le toit est pourri. Il y en aurait pour 30 000 euros de travaux. Et puis, nous allons faire une photo de vous, Maître Felloneau. Si vous pouviez prendre une photo de Maître Felloneau et la mettre sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver parce qu'elle s'est complètement plantée de date. La journée des Gilets jaunes, c'est samedi. Ce n'est pas aujourd'hui. Et vous allez voir pourtant qu'elle en avait mis un. Pensant faire son petit effet, elle est passée complètement gros tout de suite sur l'antenne d'RTL. Bon, attention, il y a Gilets jaunes et Gilets jaunes. Gilets jaunes, je crois que ça vaut 10 euros. Celui-ci vaut un petit peu plus cher. Soit bouton d'or, il est pas jaune. Mais il marcherait très bien aussi. Hein. Non. Vous savez qu'elle a quand même dans sa voiture une petite valise Hermès dans laquelle elle a des gilets jaunes qu'elle achète dans des grandes marques. Alors, on la prend en photo, on vous le met dans une seconde. On a du boulot ce matin, mes amis. On y retourne. Tu sais que le nouveau est arrivé ? Qui ça ? Le Beaujolais nouveau. Et qui dit Beaujolais nouveau dit Pisse Dru. Pisse Dru ? Oui, en rouge, en rosé ou en village, Pisse Dru, c'est le vin du Beaujolais nouveau. Tout frais, tout fruité, tout gauléant et tout nouveau. Depuis 1955, le Beaujolais nouveau a un nom, Pisse Dru. PisseDru.fr, participez à notre jeu concours. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice, au Palais des Sports de Paris, du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Pendant ce temps, chez Renault... Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils ont tranché. Tranché quoi ? Eh ben tranché pour le saumon fumé d'Écosse en fine tranche. C'est les semaines de luxe chez Lidl. Et en ce moment, il est à 9,19€ les 320 grammes. 9,19€ le saumon fumé de luxe ? Là, on s'est fait enfumer ? Ah bah, on est à contre-courant, oui. À ce prix-là, on pourrait peut-être s'en payer une tranche, non ? Avec des caprés du citron, c'est ça, ouais. T'es mal, hein ? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 28,72€ le kilo. Produit transformé en Union Européenne. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Hervé Pouchol, vous allez maintenant nous faire un point sur cette histoire de banque dont nous avons parlé il y a quelques instants. Cette jeune fille de 20 ans qui se fait piquer sa carte d'identité. Les voleurs vont ouvrir des comptes. On sait que ce n'est pas elle. Il y a des caméras de surveillance qui le prouvent. On ne sait que ce n'est pas elle car la police l'a entendue. On ne sait que ce n'est pas elle parce que la Banque de France appelle les banques en leur disant « Arrêtez de la ficher, etc. La pauvre ne peut plus s'en sortir. » Où en êtes-vous, s'il vous plaît ? Trois banques sont concernées. La première, c'est la banque de Maya qui s'appelle le CIC. Nous n'avons toujours pas de nouvelles. Heureusement, les deux autres banques, c'est-à-dire LCL, qui a été la première banque à réagir, merci à Brigitte Neige, qui m'a envoyé un mail, et également le Crédit Agricole, qui nous a envoyé un mail. Je vais vous lire le mail du Crédit Agricole, que je vais vous résumer. Nous tenons à rassurer Maya sur le fait que le préjudice financier occasionné au Crédit Agricole Brie-Picardie ne lui est pas réclamé depuis que nous avons soupçonné l'usurpation d'identité courant 2017. Concernant le fichage de Maya à la Banque de France, nous intervenons ce jour auprès de la Banque de France afin que soit apposée la mention usurpation d'identité dans son dossier. Là, il s'agit de quelle banque ? Crédit Agricole. Je demande Bravo. Des applaudissements pour le Crédit Bravo. Agricole. Et c'est le même mail pour LCL. Bravo. Et LCL, applaudissements. Bravo. Bravo. Par contre, pour le CIC, qui est la propre banque de cette jeune fille qui devrait la défendre, qui a accepté que quelqu'un ouvre un compte dans le CIC avec la carte d'identité, qui a aussi, des, je suppose, des caméras. La CIC, c'est pas terrible au niveau de la gestion client. Hein. Et puis en plus, on les appelle, ils ne nous répondent pas. Je ne peux rien dire d'autre que CIC, ils ne nous répondent jamais. CIC, maintenant l'auditeur est planté. CIC. Bon, nous allons donc essayer de les avoir. Alors je le dis avec mes mots, c'est une autre façon de faire du droit. Oui, c'est vrai. Rappelons maintenant le CIC, nous les rappellerons aussi longtemps que possible. Je ne sais pas qui est le président, c'est Monsieur Philippe Brassac. Monsieur Brassac, vous avez une jeune fille qui a... Banque Assurance, bonjour. Oui, bonjour, je suis au CIC. Oui. Je suis au siège. Non, nous sommes normalement à Ably. Hein? Ably, ah, oui. CIC local. Bonjour, madame Julien Courbet à l'appareil. Est-ce qu'il est possible d'avoir le responsable d'agence? C'est elle-même. Ah, madame, parfait. Nous sommes en direct sur la radio RTL et nous essayons d'aider cette pauvre jeune fille qui est complètement plantée. Vous connaissez ce cas, Maya Taniel Boudrari. Alors, nous avons hier appelé les autres banques. Figurez-vous que LCL annule tout et va faire en sorte qu'elle soit défichée. Crédit Agricole annule tout et va faire en sorte qu'elle soit défichée. Et nous n'avons aucune réponse de la part de sa propre banque, le CIC, qui a pourtant elle-même ouvert un compte. Vous savez que les voleurs ont ouvert un compte au CIC. Alors, on essaie de savoir ce que vous faites pour votre cliente. Je suis sous le coup de la confidentialité client et je ne peux répondre à votre demande. Bon, donc, on récapitule. Je pense que vous le savez. Non, puisque le Crédit Agricole et LCL que nous avons appelés viennent de nous dire qu'à régler, rien à payer, on défiche. Et vous, propre banque CIC, alors si vous êtes sur la confidentialité, je vais lui demander de vous appeler en antenne, mais vous serez obligé de lui dire quelque chose à un moment donné, madame. Mais je suis sous le coup de la confidentialité. D'accord. Alors, Mawabeb, vous allez appeler le CIC en antenne et vous allez nous rappeler dans quelques instants pour nous dire ce que vous dit le CIC. Là, il n'y aura plus de confidentialité. À mon avis, ils ne vont rien vous dire. Pardon ? Pardon, Julien. Oui. J'autorise cette dame à parler sur les antennes. Il n'y a aucune confidentialité pour le dossier de ma fille. Et elle est vraiment autorisée à parler et à dire tout ce qui concerne le cas de ma fille. Est-ce que ça lui conviendrait ? Non, pas du tout. Bon, allez, appelons Monsieur Brassac, le président, puisque au niveau du siège de l'agence, on ne peut strictement rien faire. Mais au moins, voilà, les gens qui nous écoutent, nous sommes le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Voilà, si vous allez un jour au CIC, que quelqu'un vous pique votre carte d'identité, il pourra ouvrir un autre compte au CIC. Et quand vous appellerez, ça fait combien de temps maintenant, Mawaweb, que votre fille essaie de se battre avec le CIC? Ça fait plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on vous a répondu récemment? Quels sont les derniers sons? C'est la même dame que vous venez d'avoir au téléphone. Oui. A clôturé le compte de ma fille. Voilà. En plus, le CIC vous clôture votre compte. C'est-à-dire que vous vous faites piquer votre argent. Elle nous a traité comme des malpropres. Bon, bah voilà, madame. Vous n'avez rien à lui dire d'autre, madame la directrice? Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Merci, madame. Qui vous souhaite une bonne journée. C'est parfait. Oui. Allez, on peut donc tous chanter en même temps. C'est parfait. C'est. Ils te souhaitent une bonne journée. C'est. Ils ne vont pas te rembourser. C'est. Et puis ton compte est clôturé. C'est. Allez, appelons maintenant monsieur Philippe Brassac, le président du CIC. Qui? Allô? Oui, Julien, il y a juste une erreur. Il y a beaucoup de numéros de téléphone. Donc il y a eu une méprise. La directrice de l'agence locale CIC, elle s'appelle donc Maud Raymond, et le président... Ah pardon, le président, c'est moi. C'est, le président de CIC, le siège, c'est monsieur Nicolas. Mais alors, celui donc que j'ai nommé, quoi ? C'est LCL. Oh non, bah LCL. Il y a beaucoup de numéros. Alors attention, je reprends. Monsieur Philippe Brassac, bravo ! Lui, il fait partie de ceux qui ont réglé le problème immédiatement et qui se disent évidemment qu'il faut le régler. Donc bravo, monsieur Philippe Brassac. C'était les premiers. Bravo LCL, ils ont été les premiers. Juste derrière. Et pour 13 000 euros. C'est vraiment très bien. Juste derrière, Crédit Agricole a dit, les clients chez nous, quand ils se font avoir, on règle. Alors, c'est CIC, par contre, qui, eux, ne font pas grand-chose. Et c'est Nicolas Théry qu'il faut appeler. Nicolas Théry, eh bien, c'est parti, c'est pour voir les Pouchol. Allez, c'est parti. Voilà, vraiment, j'insiste auprès de tous les auditeurs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Elle s'est fait voler sa carte, elle a été voir la police, elle a fait tout ce qu'il fallait. Et sa propre banque l'a punie en lui fermant son compte. Oui. J'aimerais revenir sur le dossier de Marie-Pierre et Gilles. Tu te prends pour qui, toi? Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Bien évidemment, moi, Céline. La femme est reine dans cette émission. C'est gentil. Oh.

Eh ben, c'est parfait. Bonne journée, merci beaucoup, Julien. Bonne journée, Oscaro, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Gildas, bon, là, je le savais, je l'avais prévu que ça allait vite régler. C'est quand même des gros groupes, ils ont pignon sur rue. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un rachat ou je ne sais trop quoi, mais en tout cas, ça reste quand même une grande marque. Mais on rappelle la règle d'or qui est très importante parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi en profiter. Si vous pouvez gagner un petit peu plus dans la mesure où il y a du retard, Maître Felono vous la rappelle. La règle d'or. Donc je commande en ligne, je renvoie, j'ai le droit, on doit me rembourser, ça fait partie du contrat, on ne me rembourse pas. Eh bien vous avez le droit à des pénalités. Au jour d'aujourd'hui par exemple, ça aurait été 345 € supplémentaires à l'achat puisqu'on avait plus de 3 mois de retard. Donc et n'oubliez surtout pas de ne pas vous contenter de renvoyer le colis, il faut faire un écrit ou de façon non équivoque, vous demander le remboursement. Donc le seul renvoi du colis sans mots, sans explication ne suffit pas lui-même, doublez-le d'un mail ou d'une lettre. Nous allons attendre que le CIC nous rappelle, nous ne laisserons pas tomber cette jeune fille, on rappelle quand même la grande nouvelle de la matinée, c'est que LCL et le Crédit Agricole, suite à notre appel d'hier, ont décidé d'annuler les interdits, les fichages, de ne pas lui réclamer les sommes qu'on lui réclamait puisqu'elle s'est fait voler sa carte d'identité, mais la propre banque de cette jeune fille, le CIC, elle, lui a carrément fermer le compte, bien que les voleurs étaient dans leur propre banque, ouvrir un compte, il doit y avoir des caméras de surveillance qui le prouvent. Alors, est-ce qu'après, Maître Novakovic, si vraiment on est procédurier, on ne l'est pas, mais on est là aussi pour expliquer le droit, et vous êtes une grande spécialiste à tous nos auditeurs, elle pourrait presque attaquer sa banque pour une sorte de d'harcèlement, parce qu'on lui coupe son compte, on lui coupe tout, alors qu'elle n'a rien fait. Alors, il est vrai qu'elle commet une faute, elle engage peut-être sa responsabilité civile, et elle pourra prouver, notre auditrice, par le biais des autres banques, justement, qui ont effectué ce geste, que de la part de cette autre banque, qui est la propre banque de cette auditrice, que, véritablement, il y a une intention, je dirais pas de nuire, mais il y a une résistance abusive. Ça s'appelle la résistance abusive au sens juridique du terme. Mais bon, maintenant, procès, c'est toujours long, elle a assez de procès comme ça, la pauvre. Il est mieux effectivement d'aboutir à un accord amiable. Il vaut mieux ne pas se faire piquer sa carte d'identité au CIC, surtout. Ça c'est clair. Mais dans tous les cas, Julien, c'est dramatique. Ce cas est très fréquent. Maintenant, ne perdez surtout pas vos pièces d'identité. Faites attention en tout cas, ne perdez pas si vous pouvez. Faites attention, c'est dramatique. Les conséquences sont absolument dramatiques. Alors, nous allons nous retrouver avec un autre cas d'école. Vous achetez un bien. Vous vous dites, je rentre dans une agence immobilière et vous avez raison puisqu'ils sont là pour apporter une valeur ajoutée plutôt qu'acheter sur une petite annonce un appartement. Vous vous dites, l'agent immobilier a verrouillé la vente. Donc, vous voyez une annonce dans la vitrine. État, très bon état. Je dis bien très bon, bon état. Habitable immédiatement, etc. Appartement rénové. Vous rentrez et là, vous vous apercevez que la toiture, et d'après notre expert, on pouvait le savoir à l'avance, il suffisait de monter, et même la charpente est pourrie. Et donc, nous avons un vrai débat avec une grande marque et nous les remercions parce que nous dialoguons avec eux et nous allons aller un petit peu plus loin dans une seconde. Je voudrais vous donner, vous remercier, je vais d'abord meubler, s'il vous plaît, Maître Flono, dites n'importe quoi. Oui, qu'est-ce qu'il a ? Ah, c'est parce qu'il est première émission de France. Voilà. Donc, je vous donne juste les classements parce que c'est important. Donc, vous êtes 1 418 000 à nous écouter à chaque instant. Pour vous donner un ordre d'idée, nos confrères de RMC sont à 680 000. C'est moins de la moitié. Europe 1 est à 380 000. France Info est à 320 000. Énergie est à 487 000, Inter est à 848 000 et nous sommes à 1 418 000. Que vous dire merci, mais plus on est nombreux, plus on peut régler les problèmes de ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est très important. Et pour célébrer ça, nous allons écouter le tout nouveau Marc Lavoine qui chante seul définitivement déjà le troisième extrait de son album. C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol, devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans. Savoir pour qui, mais véritablement.

Machine de verre et d'acier, elle débarque sur Terre pour sauver notre monde. Ses super-pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED. Découvrez les super-pouvoirs de la nouvelle Skoda Fabia Clever à partir de 99€ par mois. Offre avec 1000€ de prime à la conversion et 3000€ de remise déduite jusqu'au 31 décembre 2018. Location longue durée à particulier, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1295€ sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une alerte apparemment, nous reviendrions sur le cas de Michael, Charlotte. Qui vit depuis plus de 3 ans au milieu des souris. Les petits rongeurs se sont installés chez lui et s'y sentent tellement bien qu'ils grignotent les croquettes de son chien. Où en est-on, Hervé ? Virginie Jacob, la directrice générale d'Habitation Moderne, est en ligne, Julien. Bonjour madame. Bonjour. Soyez la bienvenue en direct sur l'antenne d'RTL. Alors comment peut-on Merci. Faire ? Je sais que vous venez régulièrement pour essayer de régler ce problème en mettant un peu de silicone et des choses pareilles, mais elle le mange, le silicone, les souris, et il vit l'enfer, parce qu'il y en a partout, il y a même des cadavres maintenant, parce que le chien leur court après. Comment peut-il faire ? Parce qu'il ne peut plus vivre comme ça. Et en plus, il paie plein pot son loyer, même si c'est un HLM, mais aujourd'hui, il n'a pas la jouissance paisible de cet appartement, ce monsieur. Je vous écoute. Ok. Déjà, peut-être pour replacer le contexte, on a effectivement été sollicité par ce locataire en 2017 pour un signalement de souris. Donc, effectivement, il nous l'a signalé. On a fait une première intervention, comme vous venez de l'indiquer, où on a bouché les trous qui pouvaient intervenir dans son immeuble. On a fait dératiser complètement le grenier de manière à ce qu'il n'en ait plus. Il nous a recontacté pour nous dire que c'était réglé dans un premier temps. Quelques mois plus tard, manifestement, elles sont revenues. Donc, il nous a recontacté. On a refait un traitement. Il nous a à nouveau recontacté pour nous dire que c'était bon, qu'il n'y en avait plus. Et effectivement, en juillet de cette année, il nous a à nouveau contacté pour nous dire qu'il avait toujours ce problème de souris, enfin en tout cas qui réapparaissait périodiquement. Il faut que vous sachiez qu'on a d'ores et déjà prévu à nouveau un traitement, cette fois-ci complet aussi du local poubelle, dératisation de local poubelle qui est programmée, donc il va intervenir là dans les tout prochains jours, ce qui devrait permettre de compléter le traitement qu'on a déjà pu faire. Madame, moi je vous écoute hein, et je vous remercie de nous parler encore une fois, mais il y a toujours des souris. Donc déjà, première question, quelqu'un qui vit avec des souris, c'est pas une petite souris qui passe une fois de temps en temps, c'est des souris. Il paie un loyer plein pot, déjà je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Deux, vous êtes intervenu plein de fois, ça fait 3 ans que vous intervenez. S'il ne se passe rien après la nouvelle intervention que vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ça fait pas 3 ans, ça fait depuis l'année dernière qu'il nous contacte. Je croyais que... D'accord, il est dans le logement depuis 3 ans. Excusez-moi, vous avez raison. Michael, depuis combien de temps il y a des souris ? Depuis 4 ans que je suis dans le logement. J'ai vu la première souris. Excusez-moi, je me suis trompé, 2014. C'était pas 3, c'est bien 4. Voilà, j'ai vu la première souris. Mais vous avez prévenu Habitation Moderne quand, Michael, pour la première fois ? En 2014, où ils m'ont envoyé quelqu'un qui m'a bouché un trou dans la salle de bain. Donc en 2014, madame, il y a donc 4 ans, quelqu'un est venu boucher un trou dans la salle de bain. Mais peut-être que vous ne le saviez pas. Alors moi, j'ai tracé une première sollicitation qui date de mars 2017, mais peu importe. À la limite, vous avez raison, à partir du moment où il y a une sollicitation, on reprend contact avec le locataire et on intervient. Ça donc fait 4 ans. On a fait à plusieurs reprises. Mais vous voyez bien, c'est comme si on mettait un sparadrap, il se décolle, on en remet un autre, il se décolle. 4 ans qu'il a des souris, c'est qu'il y a vraiment un très grave problème. Vous ne pouvez pas le laisser payer un loyer plein pot pendant 4 ans avec des souris. Alors, je voudrais quand même juste vous préciser que dans cet immeuble, c'est le seul locataire qui nous signale avoir des souris dans son logement. Donc on est intervenu. Madame, dans ces cas-là. Dans madame. Son logement, grenier, poubelle. Qu'est-ce que ça change, madame, que ce soit le seul ? Qu'est-ce que ça change au problème ? C'est comme si on vous disait à vous, madame, écoutez, il y a 45 appartements dans votre immeuble, tant pis pour vous, vous n'avez pas de chance, il n'y a que vous. S'il y en avait plusieurs, on ferait quelque chose, ça ne change rien. Il paie un loyer, il y a des souris. Soit vous amenez la preuve que cet homme-là élève des souris, les achète et les fait vivre dans son appartement, soit il y a un problème, peu importe, mais qu'il soit le seul, ça ne change rien. Au moins, faites-lui un cadeau de loyer, il ne peut pas vivre avec des souris depuis 4 ans. Alors, je ne vous ai pas dit que parce que c'était le seul, on n'intervenait pas. La preuve, c'est qu'on est quand même intervenu à plusieurs reprises et qu'on continue à le faire, y compris dans les parties communes. Donc, on ne fait pas rien. Et ça n'est pas parce qu'on a un seul locataire. Je n'ai pas dit que vous faisiez rien, madame. Effectivement, qu'on ne fait rien. On fait et on continue à faire et on fera. Bien. Effectivement, jusqu'à temps que ce problème puisse être éradiqué. C'est pas un immeuble, c'est un immeuble de centre-ville. C'est pas du tout un immeuble délabré ou autre, comme peut-être on pourrait l'entendre. Au contraire, c'est un immeuble qui a été bien réhabilité. Il y a quelques années, on n'a pas de. C'est un bel immeuble. Effectivement, ce monsieur a des soucis de souris dans son logement. On intervient, on continue à intervenir, on continuera à intervenir jusqu'à temps que ce soit éradiqué. D'accord. Et si dans 8 ans il y a encore des souris, vous continuerez à intervenir dans 8 ans, on sera encore en train de se parler. À quel moment allez-vous vous dire ça fait 4 ans qu'on intervient, il ne se passe rien. À quel moment votre présidente va se dire bon ben voilà, là il faut vraiment qu'on fasse autre chose. Votre proposition, ce serait quoi ? À part des interventions. Alors, il y a deux solutions. Soit vous trouvez la solution aux prochaines interventions, il n'y a plus de souris, donc il vaut bien attendre la prochaine. Et si à la prochaine, il y a une souris qui revient, vous le relogez. Ce monsieur a une demande de relogement chez nous depuis plusieurs années déjà en cours. Oui. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que il ne va rien se passer, vous allez revenir mettre un peu de souris. Non, mais moi je veux bien, si vous voulez, je veux bien qu'à partir d'aujourd'hui, tous les jours, il nous fasse un point sur ces souris et que tous les jours, on montre que ma habitation moderne est incapable de régler le problème. Parce que pour l'instant, vous vous rendez compte que vous ne saviez même pas qu'en 2014, vous aviez fait une intervention. Vous me dites, non, ça fait qu'un an. Ça fait 4 ans, madame. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est de vivre avec des souris pendant 4 ans? Je pense que les 2 millions de gens qui nous écoutent le savent. Donc, comprenez qu'il est excédé, qu'il ne peut pas entendre. On va revenir mettre un petit coup de silicone. Maître Novakovic. Oui, bonjour, dame. Écoutez, je suis particulièrement surprise, effectivement, des propos que vous tenez aujourd'hui. En ce sens que cet homme subit, justement, ses rages. Je pense qu'il devrait vous en déposer un sur le bureau. Vous verrez les photos qu'on a sur le Facebook. Regardez sur Facebook de RTL, les photos sont absolument édifiantes. Alors, ce qu'il pourrait faire, effectivement, ce qu'il sera en droit de faire, c'est demander au juge de vous obliger, sous astreinte financière par jour de retard, de le reloger, et également de suspendre le paiement des loyers, parce qu'en plus, vous osez en plus continuer à lui ponctionner le paiement des loyers, alors même qu'il vit dans un logement absolument insalubre, avec des rats, il vit avec les rats. Michael, au plus fort, il y a combien de souris en même temps? Sans exagérer, hein, vraiment, enfin, souris. Combien? Dans la journée, je dirais 4-5. Vous vous rendez compte, madame, 4-5 souris qui se baladent comme ça dans votre appartement? Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y, je vous en prie. Effectivement, apporter les différents éléments. Je veux quand même vous signaler, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'à chaque fois que ce locataire nous a sollicité, nous sommes intervenus. À plusieurs reprises, il nous a rappelé pour nous dire que c'était réglé. Mais elles sont revenues. Il a la gentillesse de vous dire, voilà, vous êtes venu pendant 3-4 jours, elles sont plus là, puis elles reviennent après, donc il vous le redit. C'est pas 3-4 jours, c'est plusieurs mois, mais quand il nous a resollicité récemment, on a remandaté une intervention différente des précédentes pour éradiquer le problème. Bien, alors vous allez passer quand? On va suivre ça, on va faire différemment, Mickaël. Quand est-ce que vous allez repasser Habitation Moderne? Alors, je n'ai pas de date exacte, mais ça va être forcément dans les tout prochains jours. Bon, alors, Mickaël, on va chaque jour faire un point. Vous allez prendre 30 secondes tous les jours et vous allez nous dire où vous en êtes. Et comme ça, chacun va pouvoir suivre l'évolution de ce dossier. Donc, vous, à partir d'aujourd'hui, vous me dites tous les jours s'ils sont passés ou pas et s'il y a encore des souris ou pas. Ça, c'est un. Et deux, Maître Novakovic va vous expliquer. Je crois qu'il faut le faire à un moment donné. Faites bloquer au moins les loyers par un juge. Au moins, vous ne paierez pas vos loyers. Je voudrais juste apporter un point. On va réintervenir, comme on l'a déjà fait précédemment, pour reprendre contact avec ce locataire en dehors pour spécifier son problème. On ne va pas rester sans rien faire. L'intervention va être faite cette semaine, c'est l'information que je viens d'avoir. Je ne veux pas que vous puissiez laisser croire qu'on laisse nos locataires. Alors, madame, je vais être très clair, écoutez-moi, vous allez être d'accord avec moi. J'affirme sur l'antenne d'RTL que Habitation Moderne, je ne sais pas où vous êtes à Strasbourg, je crois, route de l'hôpital, est intervenue peut-être plus de dix fois au domicile de Mickaël. Mais j'affirme également que ça n'a servi strictement à rien, puisqu'à chaque fois. Pardon ? On n'est pas intervenu plus de 10 fois. Combien vous êtes intervenu ? On est intervenu 3 fois. Alors, en voilà. Deux ans. Non, mais je disais 10 fois pour vous faire plaisir, moi, pour vous montrer que vous faisiez. On est intervenu 2 fois. Voilà. En 2 ans. Et la troisième fois, ça va être. Pas en deux ans. En 2014, vous y étiez déjà, vous ne le saviez pas, madame. Vérifiez vos chiffres. Vous êtes venu en 2014. On trace nos sollicitations. La première date de mars 2017. Mais je vous en prie. Alors, Mika, alors, non. À partir du moment où on a un locataire. Madame, je ne vais pas vous laisser. Non. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'il ment. Est-ce que vous avez, Mickaël, vous pouvez me dire aujourd'hui qu'ils sont venus en 2014? Oui, et ce monsieur qui m'a rebouché le trou dans ma salle de bain m'a dit, s'ils avaient fini les travaux correctement, vous n'auriez jamais eu de souris. Voilà, donc madame, je vous demande de faire une recherche, comme quoi vous êtes vraiment passé en 2014, parce qu'apparemment vous ne le savez pas. Et voilà. Bon. Et nous, Mickaël, on se parle donc lundi sur l'antenne d'RTL, on fait un point à partir de lundi, tous les jours, avec Habitation Moderne, qui va nous prouver qu'ils font des choses. Je vous donne la parole dans une seconde. Merci en tout cas, madame, de nous avoir parlé, mais pensez vite... Pardon ? Il faut que je parle à madame. Alors attendez, madame. Madame. Je vais vous passer, je vais prendre hors antenne parce qu'également, il faut voir les loyers qu'il a réglés précédemment. Bien sûr, on va en parler, madame. On se retrouve dans une seconde. Ouais. C'est ça, ils sont payés. Hein. Avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. Vous savez ce qui est important pour moi ? C'est le respect de la tradition. Si je vous dis une recette inchangée depuis 150 ans, 28 jours de brassage, qu'est-ce que vous en pensez, Michel ? C'est intéressant. Et si je rajoute que jusqu'au 25 novembre, pendant le mois Carrefour Market, le troisième pack de bière blonde Heineken est gratuit ? Le troisième pack gratuit ? Oui, Michel. Alors je vous dis que c'est très, très intéressant. Carrefour Market.

ça, c'est l'océan qui se désole de la surpêche. Voilà pourquoi Marc Repère s'engage depuis toujours pour l'environnement. Aujourd'hui, 100% de notre colin d'Alaska est issu de la pêche durable et vendu à prix Leclerc. Retrouvez nos engagements sur marcrepaire.com. Vous pourrez toujours compter sur Marc Repère. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Donc, en ce qui concerne cette toiture, Charlotte. Géraldine pensait acheter une maison en très bon état, mais la toiture est entièrement à refaire. Il y en a pour 30 000 euros de travaux. Et nous avons donc dialogué, et je tiens à le dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une grande enseigne que celle-ci, il faut la montrer du doigt. Century 21 reste un acteur majeur de l'immobilier, sérieux, en rien ça ne remet leur sérieux compte. Mais là, on a effectivement un différent sur le droit. Donc ils nous disent la chose suivante, si l'expertise judiciaire ne révèle pas un vice caché, Century 21 assumera sa responsabilité. Sauf que l'expertise judiciaire, Alain Hazard, vous êtes rédacteur en chef et vous avez parlé avec ce monsieur, ça coûte très cher et notre pauvre auditrice est dans une situation financière catastrophique. Alors ce monsieur s'appelle monsieur Laurent Vimon, c'est le président de Century 21. Il m'a tout simplement dit effectivement qu'il assumera tous les frais, que ça soit une expertise à l'amiable ou judiciaire, et que si effectivement à l'arrivée, on parle à ce niveau-là effectivement de quelque chose qui n'est pas un vice caché, il assumera entièrement ses responsabilités. Si ensuite il se retourne contre le vendeur, c'est son affaire, mais en tout cas, il prend en charge tous les frais. Donc, je ne sais pas si Géraldine est avec nous. Ah oui. Voilà, vous avez entendu ? Oui, c'est donc, il va super. Payer. Ouais, c'est super, beaucoup. C'est vraiment. Mais c'est des pros. Il va payer. Maître Novakovic va parler l'expertise judiciaire. On va vérifier si c'était un vice caché ou pas. D'après notre expert Sylvain Baron, ça se voyait. Vous avez aussi dans votre jeu de cartes un atout. C'est le vendeur qui dit qu'il a bricolé, puisque je n'exagère pas, je ne diffame pas, puisqu'il nous a dit lui-même sur l'antenne d'RTL, c'est moi qui l'ai fait, c'est votre métier. Non, je l'ai fait avec un copain du métier. Il a fait une facture. Non, on l'a fait comme ça. Tout ça devrait normalement aller dans le bon sens. Oui, et puis j'estime, j'ajoute que c'est un très beau geste de la part effectivement de Century 21 en ce sens que une expertise judiciaire, c'est entre 3 000 et 5 000 euros dans ce genre de dossier. Donc c'est vraiment un beau geste de sa part et très fair play, donc bravo. Et après, Century 21, il faut quand même que le propriétaire le sache, si jamais ils s'aperçoivent que c'était un vice caché et qu'on a fait croire que la toiture, Century 21, volontairement se retourner contre le propriétaire, et là, il risque gros. Absolument, ça s'appelle action récursoire, il a la possibilité derrière de se retourner ensuite contre le propriétaire, qui est le vendeur, qui lui aurait menti. Il aurait cette possibilité alors. Mais attendons déjà l'expertise judiciaire, qui en dira beaucoup. Et si, bien sûr, je crois qu'il s'appelle Johnny, le monsieur qui vendait, je n'ai plus son nom de famille, je ne le trouve plus, Johnny Arnaud, il veut intervenir sur l'antenne d'RTL, il le peut. Donc on se tient au courant, jour après jour, et merci à Century 21, on est d'accord ? Oui, je remercie vraiment. Je vous souhaite une belle journée. C'est bien d'avancer comme ça, par le dialogue, mais néanmoins, alors rapidement, votre point de vue, alors il ne concerne que Maître Novakovic, mais qui connaît quand même un peu le droit, vous vous en doutez, sur ce côté annonce, très bon état, ça engage ou pas pour vous ? Alors, pour moi, et au regard de la jurisprudence que j'ai étudiée, il n'y a pas que moi, il y a les cours de cassation surtout, cours d'appel, etc., il s'avère que si une agence s'engage en disant excellent état d'une toiture, bien sûr, elle s'engage. Là, il ne parle pas de toiture. Non, mais je veux dire, peu importe, excellent état, etc. À partir du moment où on donne un jugement de valeur, eh bien, ça influence. Donc, la jurisprudence dit, il a été influencé. Par contre, si une agence dit, voilà, vend appartement tel prix, etc., elle n'engage rien dans sa responsabilité. Des nouvelles de notre mascotte, le chien Napo. Le chien Napo, vous avez été extraordinaire, mes amis, puisque grâce à vous, nous avons récolté 25 000 euros. Napo va donc devenir un chien d'aveugle. Nous sommes en train de le former. Il y a des vidéos sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, de l'amélioration de ce qu'il apprend. Et nous avons, comme régulièrement, comme je m'y suis engagé, Monsieur Paul Charles, le président de la Fédération française des chiens guides d'aveugles. Bonjour Paul. Bonjour Lucien. Ah non, bonjour, pas Lucien, non, dedans. Non, c'est pas vrai. Ah, dedans. C'est pas possible. Ah bah alors. L'émotion, d'un coup. Lucien Courbet. Alors ça, là, vous me l'avez jamais fait. Là, vous m'avez fait ma journée. Là, je vais aller me coucher après. Julien, avec un potage. C'est pas grave, Paul. Où en est Napo ? Alors, Napo, comme Louise nous a mis une magnifique vidéo, il va dans la campagne. Aujourd'hui, avant tout, ce chien, il sera bien sûr un chien pour guide d'aveugle, mais il va être un chien de compagnie extraordinaire aussi. Il faut donc qu'il aille pouvoir se détendre de temps en temps, être dans la campagne et pouvoir revenir au pied de son maître lorsque ce dernier va l'appeler. Donc, c'est un apprentissage au rappel. Il faut qu'on lui fasse voir également que dans la nature, sans instinct promis à Napo, c'est un peu de courir à après les oiseaux, c'est un peu d'aller dans l'eau. Donc tout ça, il faudra qu'il fasse très attention, qu'il obéisse à son maître et qu'il ne revienne pas, j'ose dire, tout trempé au pied de son maître. Surtout qu'il n'emmène pas son maître dans l'eau. Non, quand même, le but est d'éviter que son maître aille dans l'eau. Bon, merci beaucoup, on se tient au courant et bravo encore aux auditeurs d'RTL. Et je vous rappelle qu'à travers Napo, c'est l'amour envers les animaux que nous essayons de mettre en avant sur RTL. Merci, Julien, Paul Charles. Merci encore, merci. Merci. Juste, je voudrais souligner une nouvelle fois le geste de l'association du Blanc Misseron qui a fait un chèque de 5000 euros dans le cadre de l'opération Napo. Et monsieur Jacques Rousseau tenait à venir avec tous les membres de son association pour faire une photo. Mais avec le plan Vigipirate, nous ne pouvons pas accueillir autant de personnes. Donc je lui dis que si vous venez à 2 ou à 4, il n'y a aucun souci. On fera toutes les photos que vous voulez dans le studio. Mais si vous êtes aussi nombreux, il faudra le faire dehors. J'ai l'impression que ça l'a un peu vexé, mais je n'ai pas le choix. C'est comme ça, on ne peut pas. Il y a un plan Vigipirate, faire rentrer des tas de gens. Donc je suis vraiment navré pour lui, mais encore une fois, il revient quand il veut, s'ils sont un petit groupe, ou alors on fera peut-être en 2 fois. Il n'y a aucun souci. Mais merci en tout cas, ils ont donné 5000 euros, l'association du Blanc Misseron. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Point info, parce qu'il s'est passé énormément de choses. C'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Mickaël est le logement social. Qui vit depuis plus de 3 ans au milieu des souris. Et alors, nous avons donc eu, je crois, l'habitation moderne. Ils nous disent, on va réintervenir cette fois-ci, ça sera la bonne, on va suivre ça. La directrice générale m'a confirmé que l'intervention aura lieu dans quelques jours. Et nous ferons un habitat moderne ton chaque jour. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée des souris. Marie-France et son site internet. Marie-Pierre, qui attend depuis le mois d'août un remboursement de 690 euros. Eh bien là, je crois que c'est bon. Hein, nous avons Bon. On a eu en ligne M. Xavier Chauchat d'Oscaro.com qui règle le problème. Alors, par contre, là, on vient d'entendre à l'instant que Century 21 va payer l'expertise pour la toiture, ça c'est super. Par contre, des bonnes et des mauvaises nouvelles pour cette jeune fille qui s'est fait piquer ses papiers d'identité. Les voleurs ont été ouvrir 3 comptes. Ils en ont ouvert un au LCL. Elle se retrouve fichée. Qu'a dit le LCL ? LCL a prévenu la Banque de France. Bravo LCL, normalement ça devrait être réglé. Ils ont ouvert aussi un compte au Crédit Agricole. Pareil, du côté du Crédit Agricole, Banque de France également pour le défichage. Par contre, c'est la cata du côté du CIC, qui est la propre banque. Mmh. Ils lui ont clôturé son compte. Ils ne font rien, ils ne nous répondent pas, nos amis du CIC. CIC, CIC, ils ne nous répondent jamais. CIC, maintenant, le compte est clôturé. Donc, on appelle monsieur Nicolas Théry à bien vouloir prendre en considération les problèmes de sa cliente. Aucun contact. Rien. C'est la première fois que ça arrive. LCL, 20 sur 20. Tous les moyens, y compris sur Twitter, ils ne répondent pas. Bon, mais pour l'instant, voilà, il vaut mieux rentrer chez LCL et Crédit Agricole si on a des soucis que chez CIC. Moi, je suis bien content d'être LCL. Alors. Mais écoutez, on verra bien s'il nous rappelle d'ici là. A tout de suite. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Thierry Nova, à Rochefort, en Charente-Maritime, nous dit pourquoi. J'étais parti sur des lunettes de marque. Et puis, les conseils que j'ai eus m'ont amené à choisir des verres et des lunettes beaucoup moins chères. Il y a eu vraiment un conseil qui était extrêmement pointu, extrêmement professionnel. Et puis, en tant que plasticien, moi, j'ai une vision extrêmement large. Donc, du coup, moi, j'ai besoin de lunettes qui prennent en compte ça. Et j'ai trouvé ça chez Laurent Fro. Laurent Fro, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Nova, à Rochefort. Incontestablement, la priorité dans notre métier, c'est d'être à l'écoute de nos clients et surtout de leurs besoins pour que le produit corresponde à ce qu'ils attendent. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tout pour nos clients. Alors, monsieur Nova, content d'Optique 2000 ? Tout à fait satisfait, d'autant qu'ils se sont occupés de tous les papiers pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Une fois que j'aurai changé la robinetterie et le sèche-serviette de ma salle de bain, je vais devoir renoncer à ma double vasque. On vous répond, c'est le moment de tout changer. Jusqu'au 18 novembre, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros sur tout l'univers salle de bain à partir de 300 euros d'achat. Dépêchez-vous, c'est le dernier week-end pour en profiter. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oh oui, et là ils mettent l'accent sur la mâche. Hein. Demain et après-demain, la barquette de 150 grammes de mâche à grande feuille est à 99 centimes. Quoi ? 99 centimes la barquette de mâche ? Moins d'un euro ?